Phonétique. Activité 7. Je me suis levée pour le tournage. Je me suis préparée. Je me suis maquillée. Je me suis habillée pour le film. J'ai vu Simon pour la première fois. On s'est rencontrés sur le tournage. Je me suis déplacée pour lui parler. Je me suis tournée vers lui. Il s'est tourné vers moi. On s'est aimé tout de suite. Je me suis souvent trompée dans mon rôle. Après le tournage, on ne s'est plus quitté. Je me suis mariée avec lui l'an dernier. Je me suis tournée vers l'écriture à la naissance de Florent, notre fils.